Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Ce passage que nous avons aujourd'hui, donc, encore une fois, on est dans le temps de Pâques. Et dans ce temps de Pâques, on médite, entre autres, ce que Jésus a dit juste avant de mourir pour essayer de comprendre cet événement-là. Et entre autres, ici, ce soir, j'aimerais qu'on s'attarde sur cette expression de Jésus qui dit « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Hein, parce que souvent, nous, on entend le mot « gloire » dans le sens « ben waouh, je suis passé à télé, j'ai reçu une médaille d'or, puis waouh, là, j'ai de la gloire ». Est-ce que c'est comme ça? C'est peut-être pas tout à fait ça que Jésus veut dire. Dans l'Ancien Testament, c'est un thème qui revient assez souvent. Cette question de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui est la gloire de Dieu? Dans le sens hébreu, donc le mot gloire ne réfère pas tant à la renommée que, en fait, c'est un mot qui réfère au poids pesant. La gloire. Parce que souvent la gloire est reliée à la valeur réelle d'un être. Et souvent la valeur réelle d'un être est estimée par son poids. Est-ce que j'ai beaucoup d'or ou peu d'or? Si ça pèse lourd, ben j'en ai beaucoup finalement. Ou si c'est juste de l'apparence. Donc, au fond, la gloire de Dieu réfère à son être profond et pas juste à son apparence, à sa renommée. Dans l'Ancien Testament, il y a comme deux types de façons dont Dieu manifeste sa gloire. Il y a certaines théophanies, des manifestations extérieures, un ange qui apparaît ou une nuée lumineuse ou un buisson flamboyant ou des fois avec Moïse, des tonnerres et des nuées autour de la montagne. Mais aussi, l'Ancien Testament parle beaucoup des hauts faits de Dieu comme des manifestations de sa gloire, entre autres les actes de libération de Dieu. Et là, je pense entre autres, lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, lorsque Dieu, avec ce même peuple, leur a donné de l'eau au désert, lorsque Moïse a frappé le rocher pour leur donner de l'eau à boire, là où tout semblait fini. Lorsque Dieu a donné la manne, ce pain mystérieux du désert, pour donner à son peuple à manger, lorsqu'il leur a donné des cailles, etc. Donc, tous ces actes de vie et de libération, et même les actes de reconstruction de Jérusalem et du Temple, sont des manifestations de la gloire de Dieu, mais on se souvient de la gloire de Dieu au sens de l'être profond de Dieu. Et quel est cet être profond de Dieu? C'est un Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous, qui nous veut libres comme lui est libre. Dans le Nouveau Testament, eh bien, là, ça prend une nouvelle tournure. Et en fait, la gloire de Dieu devient complètement liée à la personne de Jésus. La personne de Jésus est le Verbe fait chair, Dieu fait chair. Et Saint Jean dira, donc cet extrait qu'on a lu est de l'Évangile de Jean, il développe beaucoup cette thématique de la gloire de Dieu. Et entre autres, il dit que la gloire de Dieu est venu habiter parmi les hommes. Il dit, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, cette gloire qu'il tient du Père comme Fils unique, riche du don de Dieu. Jésus est venu pour manifester la gloire de Dieu. Donc, pas juste la façade, encore une fois, mais l'être profond de Dieu. C'est ce même Jean qui dira dans notre épître, donc, le verset qu'on a lu à l'Alléluia, là, qui dit « Dieu est amour, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime, car Dieu est amour. » Donc Jésus, qui vient manifester la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, concrètement, il va aimer, tout simplement. Le premier signe qu'il donne, pour voir mes feuilles, il faut que je mette mes lunettes, désolé. Alors, le premier signe qu'il donne, c'est le miracle de Cana dans l'évangile de Jean. C'est intéressant, ce mariage, donc, c'est super sympathique un mariage, mais s'il manque de vin, entre autres, ou de nourriture, ah, là, tout à coup, on se met à angoisser. Eh bien, le Fils de Dieu a transformé de l'eau en vin pour que la fête ne cesse point, mais encore plus pour donner un signe qu'il est venu donner au monde la joie, mais la joie de l'Esprit-Saint. Ensuite, il a donné plein d'autres signes, plein d'autres guérisons, des aveugles, des lépreux qu'il a guéris, plein d'œuvres finalement qui manifestent qu'il vient de Dieu, qu'il a la même gloire que lui. Mais souvent, c'est étonnant, là, Jésus parle de la passion. Le moment de la croix, étonnamment, est un moment où continue la glorification de Jésus. Souvent, nous, on dit, ben waouh, la croix, c'est le sommet de l'humiliation de Jésus. On ne parlerait pas de glorification de Jésus. Mais non, Jésus et Jean nous expliquent que cette croix continue de glorifier Dieu et de montrer tout son être, sa grandeur. Et entre autres, ce que la croix dévoile, c'est toute la grandeur de son amour. C'est la grandeur de son cœur. Il m'a aimé jusque-là, jusqu'à embarquer sur la croix à ma place. Pour, au lieu que j'ai à payer pour mes lâchetés, il a payé le prix pour moi. Au lieu que j'ai à payer pour mes trahisons, il a payé le prix pour moi. Et ça manifeste toute sa grandeur, la grandeur de son amour. La glorification de Jésus ne s'arrête pas à la croix, évidemment. Hein? Il y a déjà dans le côté transpercé aussi commence à couler l'eau et le vin, qui seront ces signes des sacrements qu'il donne à l'Église. Mais le troisième jour, qu'est-ce qui arrive après la croix? Qu'est-ce qui arrive? Il ressuscite. Eh bien, la résurrection fait partie de la glorification du Christ qui montre encore une fois l'être profond de Jésus. Il est Seigneur et il est la vie. Et cette vie, il vient la donner aux apôtres. Hein? Qu'est-ce qu'il fait depuis un petit bout, là, on entend les apparitions, on avait entendu les apparitions de Jésus. Qu'est-ce qu'il leur dit tout de suite en leur apparaissant? Il leur dit « Paix à vous ». Et là encore, il manifeste la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'il manifeste l'amour de Dieu. Même dans sa résurrection, il aime ses disciples. Il ne ressuscite pas pour leur prouver hein, « Je vous l'avais dit que j'étais bon ». Je vous l'avais dit que je serais ressuscité, puis tous ceux qui n'ont pas cru, ben allez, dehors, coup de pied au derrière. Non. Même dans sa résurrection, c'est une résurrection pour nous, une résurrection pour l'amour de nous. Il dit, enfin, croyez, ce qui m'est arrivé peut vous arriver à tous ceux qui croient en moi, qui s'attachent à moi. Ensuite, la glorification de Jésus continue par l'ascension, ce mystère où Jésus retourne vers le Père, mais encore, c'est un mystère d'amour. Et Jésus dit avant de remonter, « Je pars vers mon Père et votre Père, je vais vous préparer une place. » Ce n'est pas juste « Je monte vers le Père, puis enfin je suis débarrassé de vous autres. » C'est non, « Je monte vers mon Père, et comme je désire que la joie que j'ai soit aussi en vous, je pars vous préparer une place. » Et pour ça, il nous dit, il nous promet de nous envoyer l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qu'il envoie spécialement à la Pentecôte, fête qu'on va célébrer bientôt aussi, après l'Ascension. la Pentecôte, Jésus répand l'Esprit et c'est l'Esprit Saint qui est l'artisan de la glorification de tout le peuple. En tant que chrétien, vous êtes baptisé pour la plupart, eh bien, étant baptisé, vous êtes uni à Jésus. Donc, le sort de Jésus s'est appelé à être votre sort, autant dans l'abaissement, dans la croix, mais encore plus aussi dans le relèvement. Et la gloire de Jésus, vous êtes appelé à la refléter. La grandeur de l'amour de Dieu, vous êtes appelé à en goûter la douceur d'abord, mais aussi vous êtes appelé à répandre la grandeur de cet amour-là autour de vous. Et là, c'est pour ça qu'on rejoint ce que Jésus dit, hein, tout de suite après, là, je reviens à l'Évangile. Il dit maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, Dieu est glorifié en lui. Et si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, ce qu'il fait déjà par la résurrection, par l'ascension, etc. Ensuite, il dit, mes petits enfants, là c'est à nous qu'il parle. Il parlait à ses disciples, mais aussi à nous. Je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns et les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Par l'amour, je glorifie Dieu. Par l'amour, nous sommes rendus semblables à Jésus. Et Jésus continue en disant, ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Qu'est-ce qu'il va me dire si vous êtes chrétien? Je peux bien vous demander un certificat de baptême. Hein, c'est, d'ailleurs, on fait ça normalement pour avant les confirmations, avant d'autres sacrements. Mais c'est pas tant ça qu'il va me dire si vous êtes vraiment chrétien. Au fond, ce qu'il va me dire si vous êtes vraiment chrétien, ça va être beaucoup plus le contenu de vos conversations durant la semaine. Est-ce que vos conversations, vos paroles, est-ce qu'elles sont pleines de l'amour de Dieu? Ou s'ils sont un petit peu pleines de critiques, de « Hey, t'as-tu vu un tel? Tu sais ce qu'il fait? Attends, t'es épouvantable. Non, ben niaiseux, ce gars-là. » Tous ces murmures ne sont pas les fruits de l'Esprit-Saint. Ne sont pas les fruits qui devraient habiter le cœur du chrétien. Est-ce que nous nous aimons vraiment les uns les autres jusque dans les paroles? Est-ce que nous nous aimons vraiment les uns les autres jusque dans les gestes? S'il y a quelqu'un qui a besoin, est-ce que je passe mon chemin? Ou est-ce que je demande, Seigneur, viens le bénir? Et peut-être, Seigneur, oui, j'ai 5 minutes, je peux peut-être m'arrêter pour voir si je peux faire quelque chose. Si c'est ce que je fais, je glorifierai le nom de Dieu. Mais entre vous et moi, c'est pas facile. Pas facile de vivre la charité. Heureusement, c'est pour ça que Jésus nous envoie l'Esprit-Saint. C'est pour ça qu'il faut demander l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Et c'est lui qui va déborder à l'extérieur de nous. L'amour, dit saint Augustin, renouvelle l'homme. L'amour crée vraiment l'homme nouveau. Mais saint Augustin dit à l'inverse, la convoitise fait le vieil homme. Il faut choisir cette semaine. Est-ce que je vais nourrir ma convoitise? Et la convoitise étant nourrie, c'est le vieil homme qui va être nourri, celui qui s'en va à sa perte. Ou cette semaine, est-ce que je vais nourrir l'homme nouveau en faisant des petits actes concrets d'amour, de charité, de miséricorde, en rendant un service, en prononçant une bonne parole? C'est le défi que le Seigneur nous lance cette semaine. Il invite l'Église, il nous invite, nous tous, à prolonger l'amour de Dieu dans le monde. Encore une fois, je le redis, c'est la parole de Jésus au chapitre 15 de l'évangile de Jean. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Moi, je rêve que toute votre vie, les gens puissent dire, « Wow, as-tu vu un tel? » Il transpire de l'amour de Dieu. Quand il passe là, ça sent le parfum de Dieu. Ça sent la charité de Dieu. Ses attitudes, ses paroles, tous ses gestes. Je pense que c'est ce qu'on pouvait dire certainement de Mère Teresa, de Jean-Paul II, de d'autres personnes. Puissions-nous dire ça, puissent les autres dire ça de nous cette semaine. Invitons l'Esprit Saint, invitons-le à nous transformer, parce que cet amour n'est pas juste volontarisme, il est d'abord grâce de Dieu, grâce de l'Esprit. Oui, Seigneur, on te le demande, cet Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles, qu'il nous aide à rendre gloire à Dieu, pour répandre un peu plus ce doux parfum de l'amour dans le monde. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur.